We'll be right back. Thank you. Thank you. je pas tricheuse. Ah là j'ai entendu un bénévole. La bémol. Attention, mi bémol. La bémol.